الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Avant de commencer notre cours et de reprendre l'étude de l'Arba'in al-Nawawiyya de l'imam Yahya ibn Sharafuddin al-Nawawi, on vous annonce la bonne nouvelle de la conversion. On vous annonce la bonne nouvelle de la conversion de notre nouveau frère Martin, qui s'appelle désormais Karim. Il s'est converti aujourd'hui, bihamdillahi azza wa jal. مرحبا به ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته ويثبتنا على الإسلام كما نسأل تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يسر لنا سبل السلام. On demande à Allah سبحانه وتعالى de t'enseigner ce qui te sera utile dans ta religion, de te permettre d'apprendre à le connaître, ton Seigneur, ton Créateur, d'apprendre à connaître ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'apprendre cette religion magnifique qui est l'islam. Et on va faire un bref résumé pour expliquer ce qu'est l'islam et que signifie la parole La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, cette parole par laquelle tu es entré dans l'islam aujourd'hui. Donc, pour entrer dans l'islam, la personne fait, comme vous le savez, shahad, le témoignage. Et le fait de témoigner, c'est-à-dire prononcer ce que tu as comme croyance dans ton cœur et en informer les gens. Et le sens de la ilaha illallah, c'est nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée si ce n'est Allah. Quand tu dis la ilaha illallah, la parole du monothéisme, la parole du monothéisme, en fait, tu renies le droit à l'adoration pour tout autre que Allah. Et après avoir renié et rejeté toutes les fausses divinités, tu reconnais que le seul à mériter l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cela que signifie la ilaha illallah. Qu'il n'y a que Allah qui mérite d'être adoré. Et tout ce qui est adoré en dehors de lui ne mérite pas l'adoration. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ensuite, tu as témoigné de la prophétie et de la véracité du message du Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois savoir que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager d'Allah. C'est son serviteur, on ne l'adore pas. Car dans l'islam, on n'adore que Allah subhanahu wa ta'ala, que notre créateur. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager de Dieu. C'est l'envoyé de Dieu. C'est la meilleure créature de Dieu. Mais on ne l'adore pas. Car l'adoration, c'est le droit du créateur, pas du serviteur et de la créature. Aussi, tu dois reconnaître que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, a reçu la révélation. Il a reçu la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, un livre qui s'appelle Al-Qur'an. Donc le Coran, c'est désormais ton livre. C'est le livre que tu dois lire, que tu dois comprendre, méditer, mettre en pratique. Et si tu le mets en pratique, sans aucun doute, Allah subhanahu wa ta'ala va te guider vers ce qu'il y a de meilleur. Car ce Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui s'y cramponne sera du nombre des bien guidés, sans aucun doute. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé de la lumière. Aussi, tu dois savoir que Isa alayhi salam, Jésus est un prophète. C'est le fils de Mariam, c'est le fils de Marie. Et il ne mérite pas l'adoration. Car comme je t'ai cité, l'adoration c'est le droit du créateur. Ça n'est pas le droit d'une créature, quel que soit son rang. Nous, on aime Isa, Jésus. Et on le considère comme un prophète. Et c'est le messager de Dieu. Et c'est le fils de Mariam. ça n'est pas le fils de Dieu. Dieu n'a pas d'enfant. Il n'a aucun besoin. Il est pur, subhanahu wa ta'ala. Et bien, idnillah, tu vas apprendre petit à petit. Tu vas apprendre petit à petit. Et sache que tous ces gens que tu vois devant toi, ce sont tes frères. Tous ces gens que tu vois, ce sont des frères. Même si vous n'avez pas la même mère, vous avez le même créateur, la même religion, le même prophète, la même direction, le même livre. Et ce lien est plus fort que le lien du sang. Notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, innama al-mu'minuna ikhwa. Les croyants sont tous les frères les uns des autres. Donc tu es mon frère, lui c'est ton frère, lui c'est ton frère, les enfants, les personnes âgées, les jeunes, il n'y a aucune distinction. Tout musulman sur la terre, c'est ton frère et tu es son frère. Et on te souhaite la bienvenue dans ta religion. La religion de Dieu subhanahu wa ta'ala, l'islam. On asa Allah tabaraka wa ta'ala an yashrah sadrak li hada ad-din al-qawi wa an yuwaffiqana ila ma yuhibbuhu wa yarda subhanahu wa ta'ala wa ila darsina. Donc on va reprendre notre cours et tu es la bienvenue quand tu le souhaites dans cette mosquée et dans les autres mosquées. Sache qu'on a, on étudie notre religion ici, tu es la bienvenue pour assister au cours. Et voici un livre pour toi. Akramakallah. Barakallah fik. Alhamdulillah, alladhi bihi tatimmu s-salihat. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui par lequel les bonnes choses sont facilitées. Subhanallah. Un jeune qui vit dans un pays qui est la France. Allah Azza wa Jal le guide jusqu'au masjid pour apprendre sa religion, connaître son Seigneur et qui cherche à l'adorer comme Allah Azza wa Jal le veut de nous. Et ce pourquoi, et faire ce pourquoi Allah nous a créé. Wa ma khalaqtul dinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et sans aucun doute, de voir quelqu'un entrer dans l'islam fait partie des choses qui réjouissent le musulman. Alhamdulillah, nahmadullah azza wa jal, alladhi ahyana hatta shahidna dhalik. On remercie Allah azza wa jal, celui qui nous a gardé en vie, afin qu'on puisse assister à la conversion de notre frère et de plusieurs personnes, bi'idhnillah. On avait fini l'étude du 13e hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. Toi t'assistes toujours au dourous, tu es là tous les vendredis. Et où est ton livre? Qui assiste tous les vendredis? Hans, t'as pas ton livre? T'assistes tous les vendredis? Tenez. Celui qui a pris le livre, il doit mémoriser. Je vous l'offre, ensuite je vous dis l'information. Ça va? Celui qui a pris le livre, il faut qu'il mémorise les hadiths. T'as pris le livre, toi, Ami? T'as pris le livre? Maak el kitab. Tana, toi tu voulais un plus beau que les autres. Toi tu voulais un tatourid ajmal min ghayrik. Hada jamil mashallah. Allah karamak. Tayyib. Voilà, ceux qui n'ont pas le livre, à la fin du dars, vous levez la main, ceux qui sont assidus, et on n'aura aucune difficulté à trouver des bienfaisants qui vont nous offrir le livre. Moi j'ai juste fait le geste, mais c'est les frères de la mosquée, pour pas dire leur nom, qui ont réuni de l'argent pour l'acheter, et ils ne demandent qu'à vous donner le livre afin que vous puissiez avoir mada connaissance des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jazakumullahu khayran. As-Allah subhanahu wa ta'ala an yarfa'a darajatim fil jannah wa an yubarika fihim في دينهم في أموالهم وفي صحتهم وفي ذريتهم. On demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde la bénédiction à ces gens qui nous aident et qui nous ont offert les livres et qui vous ont offert les livres. On demande à Allah qu'il leur mette la bénédiction dans leur religion, dans leur science, dans leur famille, dans leurs enfants, et qu'il leur donne le bien où qu'ils soient, qu'il élève leur degré au paradis et les préserve du feu de l'enfer. Donc on avait vu dans le 13e hadith que parmi les conditions de la perfection de la foi, aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi. Que ce soit un bien religieux, que ce soit un bien dunyawi, terrestre, tu dois aimer pour ton frère ce que tu as aimé pour toi-même. Donc l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, après nous avoir expliqué ce qu'est l'islam à travers le deuxième hadith, hadith Jibril, puis nous a montré l'importance des piliers de l'islam dans le troisième hadith. Dans le premier hadith, il nous avait expliqué une des bases de la religion An-Niyya. Ensuite, dans ce hadith, il vient nous montrer Shartu sihati kamalil iman, la condition pour que ta foi soit complète. C'est quoi? Ta foi ne sera pas complète tant que tu n'aimeras pas pour tes frères ce que tu as aimé pour toi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. On avait expliqué que cela, comme a dit le Hafid ibn Rajab rahimahullah ta'ala, cela ne peut se concrétiser si ce n'est après que ton cœur eût été pur. La purification de ton cœur va faire en sorte que tu vas aimer pour tout le monde le bien. Tu purifies ton cœur de la jalousie, de la haine. C'est ce qui va faire en sorte que tu vas aimer pour les gens ce que tu as aimé pour toi-même. Al-Hadith al-Rabi'ashar. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit: il n'est pas permis de verser le sang du musulman, sauf dans trois cas. Al-Thayyibuzzani, celui qui commet la fornication alors qu'il a déjà contracté un mariage. Quelqu'un qui s'est marié et qui par la suite a commis la fornication. Le meurtrier qui a pris l'âme d'un autre. Ni la personne a tué quelqu'un, alors le gouverneur le tue. Et l'apostat qui quitte sa communauté, celui qui rentre dans l'islam ou celui qui est musulman, par la suite, il sort de l'islam par une croyance, une parole, une action et tout ce qui fait sortir de l'islam. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim rahimahumullah. Ce hadith donc, c'est le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu fait partie des premiers compagnons à s'être converti à l'islam. Il dit lui-même: je me suis converti et je me suis vu le sixième de six ou le septième de sept. Dans le sens, en d'autres termes, il s'est converti. Lorsqu'il s'est converti, c'était le sixième ou le septième. C'était le sixième ou le septième. Et il avait entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était pas à Mecque. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son frère. Il lui a dit: va à Mecque et prends des informations sur cet homme. Prends des informations et reviens-moi. Lorsque son frère est rentré, il lui a dit: alors, que dit cet homme? Son frère lui a dit: Ya'muru bi makarim al-akhlaq. Il appelle au noble caractère, au bon comportement, Et il lui a cité des choses qui ont une portée générale. Il lui a cité des choses qui ont une portée générale. Mais Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit, tu ne m'as pas ramené cette information. Donc, il a pris ses provisions, il a pris sa monture et il est parti à Mecque. Et à cette époque, Kuffar Quraysh, tous les gens qui venaient à Mecca, ils les arrêtaient et ils parlaient en mal du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le discréditer. Ils disaient, ne l'écoutez pas, il est majnoun, il a perdu la raison. Ne l'écoutez pas, c'est un sahir, c'est un sorcier. Ne l'écoutez pas, kada wa kada wa. Et ils mentaient sur lui. Pourquoi? Pour salir son image afin que les gens ne viennent pas l'écouter. Et ceux qui l'ont écouté ne certifient pas ces informations. Mais wallahi, quand Allah subhanahu wa ta'ala veut répandre un bien, personne ne peut empêcher ce bien. Et wallah, tu peux dire ce que tu veux sur quelqu'un de bien, Allah azza wa jal sait ce qu'il y a dans son cœur et ce à quoi il va appeler. Et lorsque tu es véridique, même si les gens se réunissent pour parler sur toi, Allah azza wa jal va t'élever. Et Allah azza wa jal va faire apparaître de ta véracité et personne ne pourra tenir. Et l'inverse aussi est valable. Si tu as une mauvaise intention et que tu appelles au mal, même si les gens te suivent, Allah ne te fera jamais triompher, subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala yansur al-haqq wa ahla wa yubtil al-batil wa ahla. Allah azza wa jal secourt la vérité, les gens de la vérité, et il humilie les gens du faux et ses adeptes. Ensuite, il est arrivé à Mecca et est parti chez son oncle maternel. Puis, il est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a appris de lui. Il a appris ses informations et il a reconnu la vérité. Allah Azza wa Jalla lui a permis de percevoir la vérité et il s'est donc converti à l'islam, radiallahu anhu. Et c'est un des plus grands savants du Coran. Abdullah ibn Mas'ud est un des plus grands savants du Coran. Certains savants disent que c'est le plus grand savant du Coran et de Asbab ibn Nuzul, des causes de la révélation, hein, chez les Sahaba. Ils ont dit A'lamu an-nas bi Asbab an-Nuzul, Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses éloges en disant: celui qui veut apprendre le Coran, kama unzila alayhi raddan tariya. Celui qui veut mémoriser le Coran comme il m'a été révélé à 100%, qu'il l'apprenne de la bouche de Ibn Umayyad, qu'il l'apprenne de la bouche d'Ibn Mas'ud. Donc ça, c'est une tazkiya azima. On voit fadilatu Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Et un jour, il était sur un arbre et Abdullah ibn Mas'ud était fin. Il était sur un arbre et certains compagnons ont ri lorsqu'ils ont vu que ses jambes étaient très très fines. Alors il leur a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu les a trouvés de la sorte, leur a dit: ma adhakakum, qu'est-ce qui vous a fait rire? Ils lui ont dit: diqata saqayni, on rit de la madha, du fait que ses jambes sont très très maigres. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Abdullah ibn Mas'ud est plus lourd sur la balance chez Allah qu'al Masih ad-Dajjal. Abdullah ibn Mas'ud athqal 'inda Allah fi al-mizan min al-Masih ad-Dajjal. Et d'autres hadiths qui montrent combien Abdullah ibn Mas'ud avait sa place dans l'islam, même chez les savants de l'islam, Et c'est lui qui a dit ni'matu rujuman al-Qur'an Abdullah ibn Abbas. Et c'est lui qui a dit quel madha bon exigète qui est Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas. Ibn Mas'ud nous dit: si je savais que sur la terre il y a une personne qui connaît l'explication d'un verset que j'ignore et qu'on puisse l'atteindre sur une monture, je voyagerais vers lui. Si au monde j'entends quelqu'un qui a plus de science que moi sur le Coran, je prends ma monture et je voyage vers lui. Ça te montre quoi? Hubbul ilm. Abdullah ibn Mas'ud aimait énormément la science. Abdullah ibn Mas'ud était un grand étudiant. Et malgré cela, mutawadi, il était humble. Parce que pour dire cette parole alors que tu es un grand savant, ça montre que tu es humble et que tu te rabaisse pour prendre la science. Tu te rabaisse pour prendre la science. Contrairement à certaines personnes qui sont sur le chemin, ils n'ont pas atteint un certain niveau et commencent déjà à s'enorgueillir de prendre la science d'un tel sous prétexte que yani, peut-être qu'il est plus jeune, ou sous prétexte que c'est son ami, ou sous prétexte que, et ainsi de suite. Ou bien, yani, pire encore, peut-être sa nationalité, et ainsi de suite. Là, tu ne deviendras pas quelqu'un parmi les gens, tu ne rentreras pas et ne feras pas partie des gens de science tant que tu ne prendras pas la science, comme ont dit les savants, des gens qui sont plus vieux que toi, des gens qui ont ton âge, et même des gens qui sont plus petits que toi. Même des gens qui sont plus petits que toi. Et Mujahid ibn Jabra, rahmallahu ta'ala, un des tabi'in, a dit: Ithnan la yata'allam abadan. Il y a deux personnes qui ne vont jamais apprendre la science: Mustahiyin wa Mustakibir. Celui qui a honte, il est timide, il ne va pas oser poser des questions, il ne va pas oser aller vers la science, s'asseoir dans les assises. Et celui qui est orgueilleux. Wal'iyadu billah. Al-kibr. L'orgueil, c'est une des pires maladies, car ça obstrue de toi les chemins qui mènent vers le bien. Ça obstrue les chemins qui mènent au bien. Donc, dans ce hadith, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu nous cite la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: il n'est pas permis de verser le sang du musulman sauf dans trois cas. Ce hadith, في هذا ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث بيانا لأصل عظيم بيانا لأصل عظيم وهو عصمة دام المسلم إلا بدليل شرعي عصمة دام المسلم إلا بدليل شرعي. On a dit que chacun de ces hadiths cités par l'imam النووي رحمه الله تعالى représenter une base ou traiter d'une base. Quelle est la base ici? C'est le caractère sacré du musulman. Le caractère sacré du musulman. Son sang, son honneur, son argent. Le musulman tout entier est sacré, comme on va citer dans certains textes, Inch'Allahu ta'ala. Fal-Islam ya'simu dam al-muslim saghuram kabur. لو كان من الملوك ولو كان مملوكا. L'islam préserve le sang du musulman. Qui que ce soit, et quelle que soit sa notoriété, son rang social, que ce soit un roi ou que ce soit un esclave, il n'y a pas de différence concernant le caractère sacré de la personne. Et le musulman, on a vu ce que c'était le musulman dans le deuxième hadith et dans le troisième hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué ce qu'est l'islam. Al-islam an tashhad an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa tuqim as-salah wa tu'ti az-zakat wa tasum ramadan wa tahujj al-bayt in istata'ta ilayhi sabila. Donc un muslim, c'est qui? Un muslim, man shahida lillahi bil wahdaniyyah wa li nabiyyi bir risalah wa altazama bi dhalik. Le fasalla wa halumma. Le musulman, c'est qui? C'est celui qui a reconnu l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a témoigné de cela, qui a reconnu la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son message et a témoigné de cela. Puis il s'en est tenu à cette voie. Il s'en est tenu à cette voie, c'est-à-dire la prière et ce qui s'ensuit. Hadha huwa al-muslim. Dans le troisième hadith, l'imam al-Nawawi rahmallahu ta'ala nous a montré l'importance des piliers, ou bien l'importance de ce qui avait été cité dans le hadith d'Ibrahim, et que ce sont des piliers, et ce sur quoi repose l'islam, et que l'islam, c'est à l'image d'une grande maison et d'une grande citadelle qui préserve toute personne entrant dans cette citadelle. Puis il a cité certains hadiths qui nous montrent la beauté de l'islam. Puis il nous a montré la condition pour que ton islam et ta foi soient parfaites, dans le 13e hadith, qui est le fait d'aimer pour tes frères ce que tu aimes pour toi-même. Et ici, dans le 14e hadith, Umirtu an uqatil an-nas, ou bien avant cela, Umirtu an uqatil an-nas hatta ashhadu an la ilaha illallah, dans ce hadith, d'accord, nous avait montré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils rentrent dans l'islam. Mais souvenez-vous qu'à la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Illa bihaqqi l'islam wa hisabum ala Allah ta'ala » Le hadith était « Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام فجاء الإمام النووي رحمه الله تعالى مع سعة فقهه بهذا الحديث ليبين ما هو حق الإسلام donc l'imam النووي après nous avoir cité le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Il m'a été commandé de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent de la ilaha illallah et que Mohammed est le messager d'Allah, d'accomplir la prière, de s'acquitter de l'aumône légale. S'ils font cela, ils ont préservé de moi leur sang et leur bien, sauf des droits de l'islam. Sauf des droits de l'islam. Ben, l'imam al-Nawawi a cité le 14e hadith pour nous montrer que veut dire les droits de l'islam. Quels sont ces droits de l'islam qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith? On va voir, donc vous étudiez cela dans ce hadith-là. La première chose donc qui ferait que le sang du musulman ne serait plus sacré, Al-thayyibu zan, celui qui commet l'adultère ou la fornication. L'adultère ou la fornication. Al-thayyib ay al-muhsan. Al-thayyib, ça veut dire al-muhsan. Al-zani man atamra'a. Man atamra'a. Min ghayri wajhin shar'i. Donc, al-thayyib, c'est celui qui s'est déjà marié une fois. Al-thayyib, c'est celui qui a déjà contracté un mariage et a consommé le mariage. Même s'il l'a consommé qu'une fois, à partir de cet instant, il est thayyib, ay muhsan. Al-zani, la fornication signifie le fait d'avoir des rapports avec une femme sans que elle nous soit permis, sans que cette femme ne nous soit permis par Allah Azza wa Jal. Thayyib. Donc de manière illicite. Donc, que signifie maintenant al-thayyib al-zan? C'est une personne qui s'est mariée avec une femme. Elle s'est mariée dans les règles. Et les règles du mariage sont connues de beaucoup d'entre nous. La première condition, c'est rida tarafayn, l'agrément de l'homme, l'agrément de la femme. On ne peut contraindre dans l'islam une femme à se marier ni un homme. Dans le cas contraire, le mariage serait bâti. Deuxième condition, Al-Wali, le responsable de la femme, c'est son père décédé, le grand-père, c'est dans son fils, et ainsi de suite. Puber, Tayyib. La troisième condition, Al-Mahr, la dot. Ensuite, deux témoins, Shahid al-Adl, deux témoins de confiance. Certains ont rajouté Al-Ijab al-Qaboul, la demande. Zawijni bintaka Fatima. Et le père répond, Zawajtuka binti Fatima. Et le prétendant répond, Qabilt. Ça, c'est un mariage shari'i. Ça, c'est un mariage shari'i. Mariage shari'i, c'est pas de fréquenter la femme avant, d'accord? Et lorsqu'on la personne a commis tous les péchés, à la fin, il la demande en mariage. Là, c'est pas ça. Dans l'islam, la femme, elle est bien plus noble que cela. Elle est bien plus noble que cela. Et le respect qu'il y a dans l'islam est bien plus noble que cela, et bien plus élevé que cela. Donc, celui qui s'est marié a consommé le mariage, il devient thayyib. À partir de ce moment-là, s'il commet l'adultère, ou bien s'il divorce, ou bien sa femme décède, et qu'après cela il commet la fornication, il rentre dans le hadith. Al-thayyib, ça ne veut pas que dire celui qui est marié. Al-thayyib al-zani, ça veut dire il s'est déjà marié une fois dans sa vie. Même si après il a divorcé, même si son épouse est décédée, même si. À partir du moment où il s'est marié, un mariage shar'i, il a consommé le mariage, même ne serait-ce qu'une fois, il rentre dans ce. Si par la suite il commet l'adultère, ou bien la fornication, il rentre dans ce hadith. Donc c'est la première personne dont le sang n'est plus sacré. Quel est le jugement? Al-thayyib al-zani, al-rajm hatta al-maut. C'est la lapidation jusqu'à ce que mort se suive. C'est la lapidation jusqu'à ce que mort se suive. Par contre, Al-Bikr Yujled Mi'a. Par contre, celui qui ne s'est jamais marié, qui commet la fornication, dans l'islam, il doit être fouetté 100 fois. Comme ça a été cité dans Surat Nur, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Allah lui dit dans le Coran, la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun 100 coups de fouet. De 100 coups de fouet. Et dans un autre hadith est venu qu'on doit l'expatrier pendant un an. Yurarab. Donc, il est fouetté 100 coups de fouet et ensuite il doit partir pendant un an. S'il recommence une deuxième fois, la même chose. S'il recommence une cinquième fois, la même chose. Même s'il le fait 10 fois, il n'est pas lapidé jusqu'à mort se suit. Tant qu'il ne s'est pas marié. Par contre, celui qui s'est déjà marié, lui, dès la première fois. Quel est le jugement? Rajm hatta al-maut. D'être lapidé jusqu'à ce qu'il décède. Par exemple, et les preuves de cela, preuve du Coran, preuve de la Sunna, du Coran, l'écrit a été abrogé. Cheikh ou Cheikh. Il y avait un verset qui a été abrogé, d'accord, sur la fornication et sur le fait qu'il sur Naam, celui qui a été marié qui commet la fornication et qu'il doit être lapidé. Et Mahda, il a été abrogé. Des fois, Allah Azza wa Jal cite un verset, ensuite il l'abroge, il le remplace ou ne le remplace pas. Cela fait partie des versets qui ont été abrogés, comme a dit Omar ibn Khattab un jour dans une khutbah. Il a dit, Allah Azza wa Jal a cité dans le Coran, on était vivant, le verset sur la lapidation. Ensuite, il a abrogé sa lecture. Des fois, on enlève le verset, mais le jugement reste. Ensuite, Omar ibn Khattab a dit, et j'ai peur que vienne un jour où les gens vont dire, on a regardé dans le Coran, on n'a pas vu. Alors, on le fait. Amr Khattab a dit, nous, on l'a vu. On a lapidé, le prophète sallam a lapidé avec lui. Et j'ai peur que vienne un jour où les musulmans disent, on n'a pas vu dans le Coran, alors ça n'existe pas, subhanallah. Taïb, le hadith de Ma'iz radiallahu anhu, c'est un sahabi qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, Ya Rasulallah, tahirni, purifie-moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Et il lui a dit, j'ai commis l'adultère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est détourné. Il est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, tahirni, purifie-moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est détourné de lui. Il a voulu qu'il se repente entre lui et Allah. Il voulait qu'il se repente entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le gouverneur, tant qu'il ne sait pas le péché, il n'a pas l'obligation de mettre la sentence. Donc tu te repens entre toi et Allah azza wa ta'ala. Ma'iz a assisté. Cette lourdeur qu'il a trouvée dans son cœur et l'effet du péché ne le laissait pas tranquille. Pourquoi? Parce qu'il était véridique envers Allah Azza wa Jal. Cette religion n'était pas un jeu. Cette religion, la finalité, c'est le Jannah wa Nar. C'est le paradis et l'enfer. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a insisté. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce qu'il a toute sa raison? Est-ce qu'il a bu de l'alcool? On a cherché toutes les excuses, non. À la fin, ils ont ordonné à ce qu'il soit attaché et ils l'ont lapidé jusqu'à ce qu'il soit. La même chose pour Al-Ramidiyya, une femme qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, Ya Rasulallah, j'ai commis l'adultère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est détourné d'elle une fois, deux fois, trois fois. Ensuite, elle a dit qu'elle est enceinte de cela. Alors il lui a dit, pas. Et lorsque tu auras accouché, reviens. Elle est partie, elle est revenue. Ensuite, il lui a dit, repars. Et lorsque l'enfant sera sevré, reviens. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais si on a la lapide, qu'est-ce qui s'occupera de cet enfant? Regardez la rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, elle a commis un grand péché. Mais celui qui revient vers Allah azza wa jalla et celui de qui on perçoit la véracité et la piété et le regret, il ne convient pas de le réprimander sévèrement pour pas qu'il désespère de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Par contre, celui qui fait le péché et se complaît dans le péché ou se vante du péché, alors on doit utiliser avec lui la façon qui est sage. Ça peut être la douceur, ça peut être la dureté et ainsi de suite. Donc on doit utiliser la hikmah dans la da'wah. Ici, eux sont venus vers Allah Azza wa Jal. De eux-mêmes, ils sont venus pour se repentir. Ils sont partis trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin, un homme a dit, moi je vais m'occuper de cet enfant. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, attachez-la et lapidez-la. Jusqu'à ce qu'elle soit décédée. Il y a une parole, une personne qui avait dit pour Ma'iz, si seulement il avait caché son péché, il s'était repenti entre lui et Allah, il n'aurait pas perdu comme il a perdu maintenant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Wallahi, Ma'iz a fait un repentir. Si on l'avait donné à 70 personnes de Médine, ça aurait suffi pour leur pardonner tous leurs péchés. Et la même chose pour Al-Ramidiyya. Elle a fait une tawbah, si on l'avait donné aux gens de Médine, ça aurait couvert tous leurs péchés. Et c'est un repentir véridique. C'est un repentir véridique. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cela nous montre l'épreuve de ce jugement. L'épreuve de ce jugement. Que ce soit un homme ou que ce soit une femme, à partir du moment où il s'est marié. Donc, voici le jugement religieux dans l'islam. Celui qui dit, ce jugement-là, c'est de la barbarie. Ce jugement-là, il parle sur les lois d'Allah Azza wa Jalla. Celui qui déteste une lettre du Coran, celui qui déteste une seule chose avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faqad irtadda an al-islam. Il sort de l'islam. Celui qui, par exemple, il se moque du siwak. Le siwak, le bâton d'arc. Il dit, c'est quoi ça, le siwak? On se frotte les dents avec le siwak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il faisait juste ça? Tu te moques ou tu détestes? La personne ne sort de l'islam. Quelqu'un qui parle en mal de la salat, ou de la zakat, ou du hijab, ou de quelque chose connu dans l'islam, et qui déteste cela, c'est minna wa qadil islam. Et n'a son islam, même s'il met en pratique. Même s'il met en pratique. Voyez. Donc, on doit faire attention à la croyance, on doit faire attention aux paroles. Celui qui parle du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il doit faire attention à ce qu'il dit. Et Allah Azza wa Jal est a'lam wa ahkam. Allah est plus sage et plus savant que ses serviteurs. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. Allah dit dans le Coran, est-ce qu'il ne va pas savoir les choses alors que c'est lui qui est al-latif, c'est celui qui sait les choses subtiles. Al-khabir, c'est celui qui est parfaitement informé. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Il nous dit dans un autre verset, Allah sait et vous ne savez pas. Donc si tu vois un manquement, sache que ce manquement-là vient de toi. Il ne vient pas du dîn. Si tu ne comprends pas une chose, sache que c'est un manquement de ta part et pas un manquement du dîn. Le dîn est complet. Allah nous dit dans le Coran que cette religion est complète. Donc on doit faire attention. Et sans aucun doute, on vit dans ce pays. Et ils essaient de nous faire percevoir les choses bien comme étant mauvaises et les choses mauvaises comme étant bonnes et ainsi de suite. Et ils disent que la personne est libre et que l'homme peut aller avec les hommes qu'elle souhaite, que la femme peut aller avec les femmes peuvent aller avec les hommes et les hommes peuvent choisir les femmes sans se marier et ainsi de suite. Hada fasadun ghalidun. Ça c'est la destruction de l'ansab, des liens de parenté. Ça fausse l'héritage, ça ramène les maladies, ça ramène toutes sortes de maladies à cause de leurs péchés. Regardez ce qui s'est répandu au monde. Ce qui s'est répandu au monde, c'est quoi la cause? Ez-zina, c'est la fornication. La deuxième chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, qui fait que le caractère sacré du musulman s'enlève, an-nafs bil-nafs. C'est-à-dire al-qisas. Al-qisas, c'est la loi du talion. Si la personne tue quelqu'un, ben on a le droit de tuer cette personne. C'est-à-dire le gouverneur peut ordonner à ce que cette personne, lui aussi, on lui prenne son âme, tout comme il a pris l'âme d'une personne. إِذَنْ يُقْتَلُ قِصَاصًا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى. Allah dit dans le Coran, on a écrit la loi du talion pour le meurtre. Pour le meurtre. D'accord? Donc celui qui ôte la vie à quelqu'un, on a le droit de lui ôter la vie. D'accord, mais c'est pas toi ou moi, ça, c'est après l'ordre du gouverneur. C'est pas l'anarchie. Naam. Et chez les juifs, on était obligé de faire al-qisas. Donc si tu tuais quelqu'un, la famille de la personne n'avait pas le choix. Donc on te tuait directement. Chez les chrétiens, tu es obligé de pardonner. Et dans l'islam, c'est le juste milieu. Dans l'islam, c'est le juste milieu. On vient voir la famille du défunt et on lui expose la situation. Et c'est eux qui choisissent. Et ils ont le choix entre plusieurs choses. La première, al-af, de pardonner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait toujours à pardonner. Donc, il excuse le meurtrier et on ne fait pas couler sur ça. Le deuxième cas, ad-diya, il paye une amende, un dédommagement pour avoir pris la vie sacrée de ce musulman. D'accord ? Troisième cas, al-qisas. Troisième cas, la loi du talion. Il la tue, on le tue. Et il a le choix dans cela. Il a le choix dans cela. Et ça, c'est le juste milieu. Ça, c'est le juste milieu. Parce que si on dit qu'il est obligé de faire la loi du talion, d'accord ? Peut-être que la personne, par la suite, aurait été pieuse. Et qu'elle aurait fait du bien sur terre. Pour se voir pardonner chez Allah Azza wa Jal. Et si on oblige à pardonner, peut-être que cette personne est mauvaise. Elle va récidiver et récidiver et récidiver. Regardez en France les nombreux problèmes qu'ils ont dû à la récidive des criminels. Subhanallah. Les gens font du haram et du haram, ils savent qu'ils vont aller en prison 5 ans. On va leur enlever 2 ans, ils vont ressortir dans 3 ans. Donc ils disent ça vaut le coup. Hein? Ils disent que ça vaut le coup. Parce que c'est les lois faites des hommes, de la part des hommes. Amma dans les lois d'Allah Azza wa Jal, il y a la justice totale. Et la droiture. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Les paroles d'Allah Azza wa Jal sont parfaites, véridiques et justes. Elles sont véridiques dans les informations, elles sont justes dans les jugements. Ça, le tafsir du verset. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme c'est venu dans Sahih al-Bukhari. Ça c'est pour la suite. Ça aussi dans le Qisas, c'est une chose importante à savoir. C'est qu'il n'y a pas de distinction entre les classes sociales. Contrairement à ce qu'il y avait fait le Jahiliya. Dans le Jahiliya, par exemple, si quelqu'un de riche et de noble tuait quelqu'un de faible et de pauvre, ben on ne faisait pas le qisas. Et si c'était quelqu'un de pauvre et de faible qui tuait quelqu'un de riche, alors on faisait le qisas. Ou bien si c'était quelqu'un de noble qui volait quelqu'un de riche, ben on le laissait. Ou bien il donnait un dédommagement. Et si c'était quelqu'un de faible, alors on lui coupait la main ou on lui faisait toutes sortes de choses. Taïeb. Dans l'islam, Allah Azza wa Jal nous apprend que l'âme d'un musulman est sacrée. Quel que soit ce musulman, quelle que soit sa couleur, quel que soit son âge, quelle que soit sa classe sociale. Si quelqu'un de noble tue quelqu'un de faible, et d'une minorité sociale, alors il peut y avoir le qisas. C'est pas parce qu'il est noble qu'il pourra ne pas recevoir le qisas. Parce qu'Allah Azza wa Jal nous a rendus égaux. Et la distinction ne se fera que par at-taqwa. Inna akramakum 'indallahi man atqakum. Le plus noble auprès d'Allah d'entre vous est le plus pieux. Donc il n'y a qu'avec tes adorations que tu peux t'élever au-dessus des autres. Et concurrencez-vous dans le bien. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, avec ta couleur, avec ton argent, avec ton nom de famille, non. Dans l'islam, il n'y a pas cela. Dans l'islam, il n'y a pas cela. Et celui qui trouve encore ses traces dans son cœur, qu'il sache qu'il est malade et qu'il doit se soigner. Et qu'il doit se soigner. Et il ne doit aimer les gens que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que parce qu'ils ont dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et c'est à cela qu'Allah nous appelle et on nous montre ici dans ce hadith qu'il n'y a pas de différence. Celui qui tue a pris la vie sacrée du musulman, ben il pourra perdre sa vie qui avant cela était sacrée. Taïb, si un homme tue une femme, est-ce qu'on tue l'homme pour la femme ou pas? Naam. Même si il a tué une femme. Dans la jahiliya, si un homme tue une femme, c'est pas grave. Parce que les femmes chez eux n'avaient pas plus de valeur que le bétail et autres. Ils se marient avec les femmes, des fois sans dot. Ils n'avaient pas de limite. Ils avaient droit à un nombre de femmes incalculable. Et lorsque le mari mourait, on héritait de son épouse. C'était dans l'héritage, comme son argent et ses bêtes. Mais dans l'islam, il n'y a pas cela. La femme a été honorée, élevée, purifiée de tout ce qui pouvait nuire à son honneur. Falhamdulillah, ala ni'matil islam. Donc, jamahiru ahli al-ilm, la plupart des savants disent que si l'homme tue une femme, aussi, il reçoit le qisas. Et il y a une minorité de savants qui disent que non. Ils disent non, on ne tue pas un homme pour une femme. Tamam. Ensuite, le troisième point qui a été cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est at-tariku lidini. Celui, c'est l'apostat qui quitte la communauté, celui qui sort de la religion. C'était un musulman, et ensuite il sort de l'islam. Pour aller dans une autre religion ou pas. Mais, hasid, il sort de l'islam. Ça, c'est ce qu'on appelle al-murtad. C'est l'apostat, celui qui a apostasie. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, nous dit, l'apostat qui a quitté la communauté. Qu'est-ce qu'on entend par la communauté? La communauté de l'islam. Ce qui est voulu ici, hein, comme on le comprend du contexte, c'est la communauté, al-jama'a, c'est al-muslimoun. C'est al-muslimoun. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est venu dans Sahih al-Bukhari, man baddala dinahu faqtulu. Celui qui change de religion, ôtez-lui la vie. Et les savants ont cité comme sagesse de cela, que si les gens entraient dans la religion et sortaient de la religion, ben les gens vont penser qu'il y a des manquements dans cette religion. Et ça va être une da'wa pour sortir de l'islam. Ça va être une da'wa pour qui va nuire à l'image de l'islam. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité trois points. Le premier, celui qui commet l'adultère ou la fornication après s'être déjà marié une fois dans sa vie. Le deuxième, celui qui a tué. Le troisième, celui qui sort de la religion, l'apostat. Les savants ont dit, ici, on n'a cité que trois catégories de personnes. Walakin had dhukira fi hadha al-hadith thalathu tawa'if. Walakin laysa lil-hasr. Laysa lil-hasr, ça n'est pas une liste exhaustive. En d'autres termes, on en a cité trois dans ce hadith. Mais il y en a plus que trois lorsqu'on réunit tous les hadiths. Par exemple, as-sahir, le sorcier. C'est venu dans les textes que le jugement du sorcier, c'est quoi? C'est le darbatun bis-sayf. Hein? C'est mada, de le tuer. On avait aussi, dans les textes, on trouve aussi al-mufsidu fil-ard, celui qui sème le désordre sur la terre, comme qutta' al-turuq, ceux qui attaquent. Comment on appelle ça, les brigands de chemin, où j'ai oublié l'expression qui est utilisée, ceux qui attaquent. À l'époque, ils attaquaient les diligences, les caravanes et les marchandises, ainsi de suite. Ils se cachaient dans les chemins, d'accord, et les attaquaient. Allah dans le Coran nous dit que le jugement de ces gens-là, c'est de les tuer, ou bien de les crucifier, ou bien de leur couper les membres opposés. Pourquoi? Parce qu'ils répandent le désordre sur la terre. Et il y a d'autres catégories. Il y a d'autres catégories de personnes. Mais pourquoi alors, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est contenté de citer ces trois catégories? Les savants ont répondu à cette question et ont dit, ces trois péchés répandent le désordre sur la terre. Al-thayyibuzani, celui qui commet quoi? L'adultère alors qu'il a déjà été marié. Que ce soit un homme ou une femme. Qu'est-ce qui va se passer? Et pourquoi celui qui n'a jamais été marié, pourquoi on ne lui fait pas la même chose? Regardez, si la personne se marie, d'accord, la femme se marie, elle vit avec son enfant, ses enfants et son mari. Ensuite, elle commet l'adultère et elle est enceinte. Cet enfant va grandir au milieu de personnes qui ne sont pas les enfants de son mari. Qu'est-ce qui va se passer? Il va grandir avec des gens qui ne sont pas ses vrais frères, qui ne sont pas ses vraies sœurs. Ensuite, il va hériter de cet homme qui n'était pas son père, et ainsi de suite. Donc, il y aura beaucoup de désordre. Aussi, il va nuire à l'image des musulmans. Aussi, il va nuire à l'honneur de la famille. Et beaucoup, beaucoup d'autres choses que les savants ont citées. Ça ramène des maladies. D'accord? Le deuxième cas, al-nafs bil-nafs, celui qui tue. Il enlève la sécurité des gens du pays. Il enlève la sécurité aux gens de son entourage. Ça veut dire que les gens vont vivre constamment dans la crainte et dans la peur. Si on laisse les meurtres, le meurtre se répandre, personne ne sera en sécurité. Personne ne pourra laisser sortir sa famille. Personne n'osera faire telle chose ou telle chose. Pourquoi ? Parce que les gens peuvent tuer sans recevoir la peine religieusement prévue à cet effet. Et regardez ce qui se passe en France. Ils disent qu'il n'y a plus de place dans les prisons. Ils disent qu'il n'y a plus de place dans les prisons. Une des grandes causes, c'est quoi ? C'est que celui qui tue va en prison et ressort. Il retue, retourne en prison et ressort. Il retue, retourne en prison. Okay. Et c'est la même chose. En France, tellement que la femme n'est pas valorisée, celui qui viole prend moins d'années de prison que celui qui commet un cambriolage ou un braquage. Il est agile, subhanallah. Donc l'argent a plus de valeur et de noblesse que la femme. Dans notre religion, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Subhanallah. Donc, celui qui tue, l'islam appelle donc ou permet de lui ôter la vie afin de laisser en vie les autres. C'est pour ça que le prophète, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa lakum fil qisas haya. Vous avez dans la loi du talion en vrai la vie. Que veut dire ce verset? En tuant une personne qui est meurtrière, ben on va garder en vie le reste. Mais si on le laisse lui en vie, il va tuer les gens et il va répandre le désordre sur la terre. Mais en ôtant une vie, on a préservé la vie du pays. En ôtant une vie, on a préservé la vie du pays. La troisième chose, c'est celui qui sort de la religion. Il répand le désordre sur la terre. Pourquoi ? Parce que ça va appeler les gens à aller dans des religions qui ne sont pas agréées par Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ils vont mourir sur cela. Et yawm al-qiyam, ils vont rentrer dans le plus grand châtiment et vont finir en enfer éternellement. Et ça, c'est le mal par excellence. Donc c'est pour cela qu'on a cité ces trois catégories de personnes, bien qu'en vrai, comme on a cité, il y a plus que ces trois catégories de personnes qui reçoivent dans l'islam la peine de mort. Qui reçoivent dans l'islam la peine de mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré l'importance. Azhar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam عظمه حرمه المسلم فقال ولا حرمه المسلم اعظم من حرمه الكعبه سبحان الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous montrer combien le musulman est sacré auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il nous dit le caractère sacré du musulman est plus immense chez Allah que la Kaaba. Le musulman, un seul musulman, est plus sacré que Al-Ka'ba al-Mushawwaf. Que la Ka'ba. Que la Ka'ba. La Ka'ba, elle se construit. Elle se répare. Et on peut la détruire et la remettre. Et ainsi de suite. Mais le musulman, si tu lui enlèves son âme, est-ce que tu peux lui rendre ? Oui ou non ? Tu ne peux pas lui rendre. Tu ne peux pas lui rendre. Et tu ne pourras pas revenir en arrière. Et son âme reviendra que après qu'on ait soufflé dans la trompe une deuxième fois ou une troisième fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith nous montre la valeur du musulman. Son caractère sacré, que ce soit son sang, son honneur ou son argent. Il a choisi pour cela un des jours les plus immenses dans l'année. Yawmul Hajj, Yawmul Eid. Yawmul Eid, alors qu'il faisait la khutbah. Qala li sahabati al-kiram. Ayyi yawmin hadha? Quel jour sommes-nous? قال الصحابة فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quel jour sommes-nous? Les compagnons ont dit: nous sommes-tu? Au point où on a cru qu'il allait le nommer par un autre nom. Car c'est un temps où la révélation descendait, donc il y avait des changements. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: alaysa yawm al-hajj al-akbar? Ne sommes-nous pas le grand jour du pèlerinage? Ils ont répondu: certes. Ensuite il leur a dit: ayyu shahri hadha? Quel mois nous sommes? Dans quel mois nous sommes? Fasakatna hatta dhanna annahu sayusammi bighayri ismihi. Nous sommes dus jusqu'à ce qu'on a pensé qu'il allait l'appeler par un autre nom. Faqala alaysa madha shahr dhil hijja? Ne sommes-nous pas le mois du pèlerinage? Qalu bala, ils ont dit certes. Ensuite il leur a dit: ayyu baladin hadha? Dans quel pays sommes-nous? Alors ils se sont tus jusqu'à ce qu'ils ont cru qu'il allait l'appeler par un autre nom. Alors il leur a dit: Amada alaysa balad al-haram? N'est-ce pas un pays sacré? N'est-ce pas un endroit sacré? Ils ont répondu certes. Après tout cela, après cette introduction, après avoir montré que nous sommes pendant le Hajj, le mois du Hajj, le jour le plus immense, ou un des jours les plus immenses du Hajj et de l'année, et qu'ils sont dans un pays sacré, après tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Ala hal ballaght falyuballigh ash-shahid al-ghaib. Khitab 'azima, khutbatun 'azima. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: donc on est à Madha, dans un pays qui est sacré, un jour sacré pendant le mois du Hajj. Ben sachez que votre sang, votre honneur et vos biens, votre argent est sacré comme le caractère sacré de ce jour, de ce mois et de cet endroit. Est-ce que je vous ai transmis que celui qui est présent transmette à celui qui est absent? Donc le sang du musulman est sacré, l'honneur du musulman est sacré et les biens du musulman sont sacrés. Si toi tu construis un château, d'accord, et que quelqu'un vient détruire ta construction et ta fondation, quel effet ça te fera? Tu ne serais pas content et tu verrais que c'est un manque de respect. Ça. Walillahi mathalul a'la. Walillahi mathalul a'la. Allah tabaraka wa ta'ala a créé l'insan. Il l'a mis sous la meilleure apparence. Khalaqahu wa sawwa. Il l'a créé, il l'a façonné et il l'a dessiné de la plus belle apparence. Ensuite, toi, tu viens et tu le tues et tu lui ôtes son âme. Est-ce que ça, c'est pas un manque de respect envers Allah Azza wa Jal? Alors qu'Allah avait fixé des limites, tu les as outrepassées. Donc ça, c'est un manque de respect envers Allah Azza wa Jal, le fait de dépasser les limites, en ôtant l'âme sacrée et qu'il a rendue sacrée. Voici pour ce hadith. Il y a ce qu'on appelle Ad-Daruriyatul Khams. Ad-Daruriyatul Khams, ou bien le Khamsa, c'est 5 choses, hein, pour lesquelles l'islam est venu avec des règles. Hein? Ces 5 choses-là, l'islam est venu avec des règles pour les protéger. 5 choses. La première chose, Hifdhuddin, protéger la religion. La deuxième chose, Hifdhun Nafs, protéger l'âme des gens, la vie. La troisième chose, Hifdhul Irb, protéger l'honneur des gens. La quatrième chose, Hifdhul Aql, protéger la raison. La cinquième chose, ماذا حفظ النسل لا النسل avec العرق طيب الدين العقل النفس الدين المال l'argent d'accord la religion la raison l'honneur l'argent et les biens l'argent tout ce qui est venu comme règle dans l'islam, c'est pour protéger une de ces cinq choses. Par exemple, celui qui sort de l'islam, le prophète a dit que c'est la peine de mort. Pour protéger quoi? Pour protéger la religion. On a interdit l'alcool, pour protéger quoi? Pour protéger la raison, l'aql. On a interdit zina, la fornication, et la mixité, et l'intimité entre une femme et un homme. Et de rester en privé avec une femme. Pourquoi tout ça? Pour protéger l'honneur. Pour protéger l'honneur. Hein? Si tel homme marche avec la fille de telle personne, est-ce qu'il aura protégé l'honneur de son père et de sa famille? Non. Alors l'islam a interdit de fréquenter des femmes avant le mariage. L'islam a interdit l'alcool parce que la personne perd la raison et commet toutes sortes de turpitudes par la suite. On a interdit le vol. Et on a mis comme jugement que celui qui vole, dans tel cas et tel cas et tel cas, on lui coupe la main. Pour protéger quoi? L'argent. D'accord? Donc toutes les lois que vous voyez dans l'islam, c'est pour protéger une de ces cinq choses. C'est pour protéger une de ces cinq choses qu'on appelle Ad-Daruriyatul Khamsa. Voici ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité pour le 14e hadith. Wa nas'Allah subhanahu wa ta'ala al-mazid wa al-tawfiq. Al-hadith al-khamsa asha. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم. Dans le 15e hadith, l'imam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala nous cite le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il nous dit qu'il rapporte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Juste ce passage du hadith, Wallahi law fahimna wa tabakna la salimat al-umur. ولاجتمعت كلمة المسلمين بعد العلم واتباع السنة. Ensuite, que celui qui croit en Allah et au jour dernier soit généreux avec son voisin, et que celui qui croit en Allah et au jour dernier honore son invité. Voici le hadith qu'on étudiera inshallah la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on fera une annonce. On va rajouter un soir dans la semaine, bi'idnillah. Pour yani, l'arba'in nawawiyya et deux jours dans la semaine inshallah après l'asr il y aura un cours qui ne sera pas long sur un autre sujet. On asa Allah subhanahu wa ta'ala an yufaqihana fi dinih wa an yu'allimana ma jahilna wa an yuwaffiqana ila ma yuhibbuhu wa yarda. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم احفظنا واحفظ آباءنا وذرياتنا وأزواجنا على الإسلام والهدى وتوفنا وأنت عنا راض سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.